Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Carlos, c'est fait couper les gosses. Vous avez un problème, nous avons un podcast! Ouais! Directement des passages! Non, directement de ton passage! Oui, merci Boilly Boileau. Frédéric Barbouchy avec vous en compagnie de Martin Boilly. Salut Frédéric! Salut Martin! Simon Rousseau. Salut Martin. Salut Frédéric. Salut Simon. Et Mathieu Bouillon. Et j'ai rien préparé, je t'ai à peine arrangé. Tu sais, c'est comme genre quand tu rentres chez une madame, là, genre, tu sais, oh, je t'ai à peine arrangé. Non? Mais pendant un instant, j'ai vraiment pensé que... J'étais une vieille dame? Non, mais que t'avais pas de joke à dire. Oh, non, j'avais préparé. Moi, je pensais que tu faisais un bout de mon spectacle Catnip ou... Ou Joe Bocan dit à peu près ça. Pour vrai, oui. Ouais. Ça, puis la deuxième plan de phrase des zombies aussi. Oui. Je ne suis pas une zombie, j'ai ri très fort. Oui. Je suis une Zumba. Oui, je suis une Zumba. Oui. Non, c'était juste l'autoplug encore. Yes. Ah, ça va pas bien, les gars. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben parce que je sais pas c'est quoi, pas de problème. Mais voyons donc! Est-ce que quelqu'un pourrait l'expliquer? Mais c'est une balado-diffusion ou quatre experts en rien s'improvisent experts en tout? Ah ouais? Hein? Le temps d'offrir de plusieurs solutions. Chanter une chanson, faire quelques frettes à l'occasion... Et parler méchamment d'une icône culturelle du passé à l'occasion. Ah. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui feraient ça? Ben, je me pose la même question que toi. Pourquoi? Ça nous arrive, ça nous arrive. Mais si jamais je voulais soumettre des problèmes, là, comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Mathieu? Oui, écoute, nous sommes sur toutes les plateformes. Twitter, Facebook... pas de problème à commercial@gmail.com ainsi que même par RZO. Il y a peut-être moyen. Oui, je pense qu'on peut écrire. Ouais, c'est un WordPress. Là. Ouais. Vous pouvez nous écrire par rapport à rzoweb.com, mais allez-y, pas de problème à gmail.com, ouais. Ça risque d'être plus sinon, simple. Sur la rue. Oui. On se promène souvent. On n'a jamais eu par la poste, hein? Jamais, mais peut-être ça vient du fait qu'on n'a jamais donné d'adresse aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ou par télécopieur, si vous voulez faxer ça chez Sidley. Je pense qu'on va s'acheter un fax. Cherchez ça, télécopieur Sidley. Pour recevoir les problèmes par fax. Si vous nous soumettez un problème par fax chez Sidley à l'attention de Mathieu Bouillon, là, on vous promet de passer votre problème en priorité. Ouais. Mais, tu sais, ouais. Ça se peut que ça ne dure pas longtemps, c'est pas un bon problème. Ouais. Ouais, ça se peut que je dise de la bullshit. La bullshit. Si vous êtes capable de pager le problème en écrivant avec des numéros. Oh. Ben, il faut que le problème implique un soleil. Oui. Ou un I miss you. Oui, I miss you. Un bébé. Oui. Un bébé. Ou, ouais. Boobies! OK. Et justement, il y a quelqu'un qui nous a soumis un problème. Oui. Pas par télécopieur. Non, il me l'a envoyé directement sur mon statut. Oui, c'est vrai. Hey, je veux des problèmes. Non, je disais, c'est quoi votre plus grand problème en ce moment? Mm. Et celui-là? C'est la première fois qu'il nous soumet un problème. Oui. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Monsieur Francis William Réaume. Oui. Son problème est le suivant. C'est le gars dans la pub de l'Auto-Québec. Oui. Il a acheté un hélicoptère oui, à l'autre. Exactement. Oui, j'espère que tu nous écoutes, Francis. C'est ton problème qu'on va solutionner. Là. Oui. Il a fait plein de belles choses dans sa vie, mais c'est ça qu'on... qu'on se rappelle. Oui. On se rappelle de ça. Francis, ton problème, c'est celui-ci. Mon chien urine sur le gazon et ça laisse des ronds jaunes. Mm. Je suis tanné. Que faire? Mm. Problème épineux, s'il en est un. Alors, messieurs, oui. Le problème souvent causé par un excès d'azote dans l'urine des chiens, c'est ce qui fait jaunir là, cette sensation de brûlure. Souvent, les gens vont penser que c'est parce que la pisse de chien est trop acide, alors que c'est l'inverse. C'est trop alcaline. Ah. Je suis exactement en train de lire ce que tu dis. La même phrase. Oui. Ah oui. Ben, ça se peut très bien. Vous êtes sur pipichien.com. Mais cela dit, peut-être que le jaune vient du alcalin azote, oui. Mais ce qui tue l'herbe puis fait l'espèce de petit rond désertique, c'est l'excédent d'azote. Ça, c'est l'acidité quand même. Non, moi, je pense que c'est pas acide. Non? C'est pas acide de l'urine de... De chien. Au contraire, c'est ça. C'est l'azote qui va créer une brûlure, l'excès d'azote, en fait. Parce que l'azote, en petite quantité, est un engrais pour le gazon. Oh! OK. Parce que, justement, ils disent que l'urine d'humain, c'est différent. L'urine d'humain peut servir comme engrais. Mais dans l'urine de chien, il y a trop d'azote. D'ailleurs, une des solutions, là, je te le dis tout de suite, Francis, changer l'alimentation de ton chien. Okay. Ça peut avoir un impact sur le niveau d'azote dans son urine. On recommande de la nourriture plus riche en eau, justement, là, comme les nourritures en canne et non pas la nourriture en grains. Mais les chiens aiment tellement manger de l'azote, c'est difficile de leur faire oublier. Oui, oui, des chiens, on sait que c'est friand d'azote. Azote. Alors, c'est sûr, Francis en partant. Fait, qu'est-ce qu'il faudrait donner à ton chien comme alimentation? Qu'est-ce qui l'aiderait? Ben, j'ai un autre régime, je ne sais pas ce qu'il mange, mais de consulter un vétérinaire là, pour savoir... des fois, de changer, de le faire boire plus d'eau. Ouais. Je ne sais pas comment convaincre un chien de boire plus d'eau, mais de faire boire plus d'eau pour diluer son urine. Tu lèves la température dans la pièce qu'il est. Tu sais, comme nous, là, quand on fait pipi, un bon pipi du matin, bien jaune, jaune fluo, là. C'est sûr que c'est plus dommageable au niveau de la concentration en produits qui éliminent les toxines que notre pipi bien blanc de « on vient de boire 12 bières en ligne ». Moi, j'avais une belle-mère que son chien mangeait son panier dans lequel il dormait. Et là, ça va paraître plugué, mais ça l'est même pas. Elle a enduit son panier de hot sauce. Oh mon Dieu! Et, elle a mis un bat. Et non, il n'y a pas eu ça. Et le chien, c'est bon, et il s'est pas mis à. Il s'est mis à premièrement arrêter de manger le panier d'Ozzy. Mais deuxièmement, il buvait beaucoup, beaucoup d'eau par la suite. Fait que ça peut être une façon d'y faire boire de l'eau. Ah ben oui! Ben oui! Très bonne mais idée. Oui, en fait, ça règle rien, boire de l'eau quand tu as de la sauce. Ça fait juste empirer. Oui, mais le chien, il sait mais pas oui, ça. C'est ça. Mais... messieurs, on est des citoyens du monde. Oui. Shame on you, Francis William. Là. C'est quoi là, cette fixation avec les gazons des gazons verts? C'est comme une perte d'espace où on pourrait faire pousser des choses pour nous nourrir. Ouais. Pour... Mais là, il pisserait sur ses carottes ou sur ses céleris raves. Oui, mais tu t'en fous-tu de la couleur? Ouais, ça dépend. Non, non, mais non, je sais, tu t'en fous pas que ton chien ait pissé dans tes plats. Si ça tue ton basilic ou que ça change le goût de ta salade. Mais cela dit, certains... C'est sûr que quelque part, ça change le goût de ta salade. Certains diraient comme first world problem, là, tu sais, dans le sens où... c'est du gazon. Là, c'est du gazon, puis il y a d'autres chats à fouetter dans la vie. Mm-hmm. Cela dit... je pense que Francis William, c'est un artiste, on le sait. Ouais. Un esthète. Hein? Peut-être, je ne sais pas comment, trouver le moyen de diriger son chien pour qu'il fasse un design sur sa pelouse à la longue. Des crop circles, mettons. Ouais. Ou il pisse à la longue, ça fait comme une photo de son chien en rond de pisse. Ouais. Parce que c'est vrai que ça serait pas un problème s'il était sur une île déserte et qu'il réussirait à lui faire pisser un SOS. Il serait même content. Oui, sur le gazon d'une île déserte. Hey, c'est une urine qui sauve la vie. Là, Moi, je vais y aller avec une solution qui va complètement à l'encontre de ce que tu viens de dire. Oui. Mais c'est d'inonder la tache d'urine d'eau. C'est une solution excellente. D'ailleurs, on conseille ça d'arroser la pelouse dès qu'elle est 8 heures maximum après les besoins du chien. Mais allons-y full pin dans cette direction. Tu sais, les infopubs où Ronco, je pense, il y avait la canne de spray pour les cheveux, ceux qui ont... pour se compléter le fond de la tête, là, ceux qui commençaient à perdre des cheveux. Bien, allons-y avec la canne pour le gazon. Ah, vous allez toutes me voler mes idées. Peindre le gazon, Écoutez-vous l'émission Les Dragons, dans l'œil du dragon? Des fois. Pas moi. V'là 3 semaines. Jamais. V'là 3 semaines, l'émission numéro 10. J'aime pas ça. Quelqu'un est venu proposer la canisse L'Eco Green Patch, qui est une peinture à gazon. Ah ouais? Une peinture à cèdre ou à gazon. Quand ça jaunit, tu peux shooter de la peinture là-dessus. Et sa peinture... Mais c'est genre, c'est éco en plus, là, ça pitch des petits bouts de sapin. Là. Non, c'est vraiment de la peinture. Oui, c'est vraiment une peinture. C'est une peinture écologique. Oui, c'est une peinture écologique. Mais ça marche, là, parce que c'est la Coupe du Monde en ce moment. Je pense que ça sera peut-être pas terminé au moment où ça va passer. Ça sort le 11 juillet. Ça risque d'être fini. Ça sort le 11 juillet. Il reste encore 3 semaines. Ben, ça va être limite. Bon. Pour ceux qui l'écoutent, le vendredi 11 juillet. Vous venez peut-être de manquer la Coupe du Monde, mais il y avait les terrains étaient jaunes et délabrés au Brésil. Oh. Et ce qu'ils ont fait, puis c'est ce qu'ils font dans toutes les ligues d'ailleurs, ils les ont tous peints et ça sort merveilleusement à la télévision. Wow. Ben oui. Le meilleur truc, peinturer son gazon. Mais les joueurs sont pas rendus verts pour autant. Les cheveux. Non, mais il le peigne d'avance, là, 2 jours avant. Ouais. C'est le temps de sécher. Non, mais je veux dire, tu sais, mettons, tu slides là, sur du gazon, ça fait des traces de verre, là, ça en fait-tu? Oui, mais comment ça se fait que les joueurs de soccer, ils slident des fois, là, avec les genoux, là. Ils glissent après avoir fait un but, même les genoux, puis tu sais, tabarouette, moi, je me serais fait c'est 2 bacon, ces 2 genoux, hein. Ben, c'est des dents, c'est des. Ben, il y a du gazon. T'es habitué de jouer sur des terrains avec des petites garnottes. Oui. Ouais. Ouais, ben, tu joues pas sur des beaux terrains de même. Ça fait mal, slider sur du gazon. C'est peut-être très fourni comme gazon. Mais moi, j'en reviens pas quand je les vois aller. J'aurais jamais eu l'idée de me faire slider à genoux sur du gazon. Là. Ouais. Puis slide comme c'est pas permis aussi. Là. Après moi, il y a un enduit là-dessus qu'on connaît pas trop. Là. C'est tout des tricheurs. Hein. Peut-être dédier une partie de ta pelouse à la couleur jaune. Tu sais, comme planter des jonquilles, c'est quoi des fleurs jaunes? Des tulipes jaunes. Des pissenlits. Des pissenlits. Ben oui, des bonne idée. Des pissenlits en plus. Ouais. Mais d'ailleurs, ça serait une autre idée. Ce serait d'entraîner ton chien à aller pisser sur ta mauvaise herbe. Oh, donc, oui. Il tuerait ta mauvaise herbe. C'est bon, ça. Mais là, on cherchait une façon. Ah oui, mais ouais. On cherchait une façon de diriger le chien. Ben peut-être que. En fait. Ça suffit, je pense. Ouais. Le chien sent tout le temps. Hein, vous savez. Nous, on est plus des êtres visuels. Les chiens, c'est plus odorifique. Et puis, il sent tout le temps. Donc. Toutes les odeurs. Là, pas même, les derrière des autres chiens, toujours les fourches des humains. Tout le temps. Ben. Ah, ils sentent tout ça. Tu sens tout. Nous autres, on rentre dans une pièce, ça sent la sauce à spaghette. 2 minutes après, c'est fini. Lui, tout le temps. Sauce à spaghette. Oui. Et tous les ingrédients de la sauce à spaghette. Nous autres, c'est tomate. Lui, c'est tomate. Il peut faire la décote. Oui. Mais non, le chien, c'est pas ça. Lui, t'as mis de la sauce, de l'épice Mamma Mia dans ta. Ça. Ben, OK. Ils peuvent bien être voraces comme ça. Ils ont faim. Là. Mais après ça, ils sentent tout, même. C'est pour ça qu'ils sont aussi gourmands. C'est ça. Hey, donne là, un steak à un chien, t'as l'englouti comme s'il avait jamais mangé de sa vie. Trouver qu'est-ce que ton chien aime sentir, puis trouver qu'est-ce que ton chien aime pas sentir. Et là, manipuler. Des fois, j'ai l'impression que les chiens aiment tout sentir. Oui, il y a de ça aussi, parce que ça sniffe des tas de marde. Ben oui, hein, allègrement. Le nez dedans, là, à s'en mettre sur le bord du museau. À longueur de trouver ce qu'il aime le plus. Là. Mets du faux filet sur tes pissenlits. Mais encore là, je sais pas s'il va sentir plus le faux filet que le tas de marde. J'ai vu des chiens pas mal plus assidus à sentir un tas de marde que. Mais parce que. Faux filet. Je peux pas croire. En tout cas, pas plus que des abats. Mais le faux filet, il va être grignoté dans le temps de le dire. La marde, il va pas se risquer à y pogner une lichette, mais il va se mettre le museau dedans. C'est peut-être que des fois, la marde a des petits restes de faux filet et il le sent tout le temps. C'est sûr. Mais c'est aussi qu'avec la lurine, en tout cas, c'est sa manière de communiquer. Là. Il est capable de savoir qui est passé, dans quel état était l'animal qui est passé là avant. Il semblerait que l'une des causes pourquoi les spots jaunissent, c'est que les chiens urinent souvent aux mêmes endroits. Oui. C'est pour leur territoire. Là, c'est pour vrai, ça qu'à la longue, ça fait jaunir. Mais là, une solution à gros budget, si tu as, Francis, William, si tu as une pelouse pivotante. Ah mon Dieu, oui. Ou. Ou interchangeable. Tu sais, des segments de ta pelouse. Et donc, tu mélanges ton chien. Puis t'égalises ton jaune. Mais il pourrait pas être mélangé parce qu'il sent tout le temps. Est-ce qu'on peut trouver une alternative au gazon? Est-ce qu'on pourrait créer un hype pour remplacer une manière de couvrir de l'espace de cours? Ben oui, clairement. Comme ben oui, il faut, un gros oui. terrain, par exemple, de volleyball de plage. Ouais. Du sable. Beaucoup de sable. Le sable, c'est comme une grosse litière à chat. Ou un décor. Comme une grosse litière à chat dans ta cour. Un décor western. Mais qui passe pour... Oui, ou un décor western. Mm-hmm. Où l'herbe jaunie fait partie du décor. Oui. Mais dans notre famille, on appelle le gazon italien. Connaissez-vous le gazon italien? Non. C'est du ciment. Oh. Ouais, il a mis du gazon italien. Ah, c'est trash. Bonsoir, le gazon. Des rocailles aussi, ou tu sais, des espèces d'étangs japonais. Là, oui. Il pourrait aller pisser dans les poissons. Ou de tout simplement poser une fausse borne-fontaine. Oh, oui. En plein milieu de ta cour. Donc, le chien, naturellement. Et en plus, sur cette borne-fontaine-là, je ferais venir deux, trois chiens en visite qui pissent dessus. Ouais. Et là, je pense que le chien, naturellement, va tout le temps retourner au même endroit. En tout cas, il va être curieux, probablement, d'en mettre lui aussi sa borne fontaine. Moi, le chien de ma grand-mère, là, il allait dans une petite boîte en arrière du poêle. Elle avait un poêle à bois au chalet. Mais il était guéri, là. Ma grand-mère mettait du papier journal, puis... Écoute, s'il pissait là, une goutte à côté, il savait. Elle l'électrocutait, là. Non, mais tu sais, je pense qu'il y a de quoi là, à faire comprendre à ton chien. Genre, quand tu pisses, pisse là, tu sais. Ouais. Non? Oui, mais ben, il y a des méthodes coercives. Un spot jaune. Attends, là, je parle pas de le choquer à mort, là, mais tu sais, de faire peut-être. Chien de Pavlov. Oui, vraiment. Mais tu sais, donne une récompense quand il pisse à telle place. Là, ben, c'est le même. Je pense qu'on apprend un chien ben à ouais. être propre. Moi, j'ai pas de chien. J'haïs ça. Faut que tu parles chien. Ouais. T'haïs ça, les chiens? J'aime pas les animaux. Oh, non, je suis le seul ici de ma paroisse. Hérétique. Moi, ouais. J'aime mieux les chiens que les chats. Mais ouais. Pour ceux qui voudraient s'acheter des chiens, pour mettre le plus de chances de leur côté. Mmh. Évitez les grands chiens, parce que les grands chiens font de plus gros pipis. Oh. Mmh. Évitez les chiens femelles, parce que les chiens mâles, eux, lèvent leurs jambes pour la marque. Fait que souvent, eux, ils vont faire plein de petits pipis moins nocifs pour la pelouse, justement, au lieu d'une femelle qui va tout lâcher au même spot. Mais là, on a un chien, on a Carlos, on sait qu'il s'appelle Carlos. Carlos, c'est un gars, le chien de Francis William. Carlos, c'est un petit chien. Un petit chien. Fait que là, pour l'instant, il y a tout le profil de ce que tu n'es pas en train de décrire. Ouais. Exactement. Mais si tu veux aider... T'as donné plus si de tu veux chance. Donner plus de chance de ton côté. Pour ton prochain chien. Et souvent, les jeunes chiots, on leur donne des régimes alimentaires qui sont riches en protéines. Et ça, c'est aussi un facteur de pisse qui fait jaunir. D'azote. Ou, souvent, ou sinon, les gens vont compenser une erreur. Les gens vont compenser le jaunissement dû à l'urine de chien par mettre de l'engrais. Mais cet engrais-là contient de l'azote. Fait que tu fais juste enrichir ton gazon d'azote et rajouter à l'azote. Donc, c'est de trouver l'engrais qui est propice, qui est pas, qui va pas rentrer en conflit avec l'urine de chien. Parce que c'est ça qu'on dit. Et sinon... C'est ça? C'est qui? C'est ça qu'on dit. C'est des sources très fiables. Oh, moi, je trust ton Internet. Ouais. Le spécialiste allemand, ça vient pas d'Internet, ça vient de mes recherches à la grande librairie mondiale. Canine. Oui, je suis allé en France ce matin. Le spécialiste en assainissement allemand, M. Christopher Kellner, avait demandé à l'Association zambienne de l'eau et de l'assainissement de conserver leur urine. Oh! Parce qu'il voulait prouver pourquoi lui appelait ça de l'or liquide. Et il s'est mis à utiliser l'urine comme justement comme engrais pour le gazon, pour... Tu sais, on utilise souvent le fumier dans les champs. La marde de porc. Ben, l'urine d'humain aurait ces mêmes propriétés-là, c'est-à-dire riche en phosphore, en azote, en potassium, mais ça contient aussi les 8 micronutriments dont les plantes ont besoin. Ah ben! Fait que tu pisses sous tes plantes. Donc moi, je te dirais, laisse ton chien faire, mais toi aussi, essaye d'aller. Suis-le. Mais moi, sans joke, j'aurais vraiment eu le goût de propager ça, mais les policiers ont tendance à me donner des contraventions quand je pisse d'un headset. Oui, mais ça marche pas pour l'asphalte. Mais je pisse pas sur l'asphalte. Ça marche pas pour l'asphalte et les derrières de mes dos. Je me choisis un beau végétaux. Je me choisis un végétal de devant de maison qui a l'air d'avoir besoin d'eau. Puis malgré tout... mais la police, ouais, ça me passe ça. La police, ça me passe ça. Mais là, j'avais déjà mis un... j'avais déjà mis un lien YouTube sur notre groupe sur un gars qui nous montrait comment... Ah ouais, c'est génial. Pisser en public sans que ça apparaisse. Ah, puis... j'avais pas vu ça. Ah, c'est pas vu, ça, le gars, il était bon, là. Il était bon. Faudrait que je le remette. C'est comme drôle. Un peu le truc de l'ascenseur. Tu fais semblant de regarder ailleurs. C'est tout le temps une manière de créer diversion, mais éventuellement... Le journal... S'engueuler au téléphone. Ah, c'est drôle. Le monde, il te regarde la tête. Il te regarde pas pendant que tu pisses tranquillement. C'est le génial. Journal. Faire semblant de checker en dessous de ton char avec les couilles couchées. C'est drôle. Et à chaque fois qu'il te le montre, il pisse. Il faut s'assurer que le vrai propriétaire du char ne se pointe pas pendant ce temps. Wow. C'est quoi le journal? Je suis curieux du journal quand même. C'est tu roules le journal, tu fais un cornet avec ton journal puis tu te mets autour de la graine. Encore une fois, ça implique un cellulaire. Okay. Parle au cellulaire, tiens le journal et pisse dans le journal pour que ça fasse un genre de tunnel. Oui. Et il pisse dans la poubelle, lui. OK. Ah, fait que les gens voient pas. Les gens voient pas sa pénis. Son pénis, il a juste l'air de tenir un journal. Puis le fait qu'il parle au téléphone... Faut vraiment que tu parles fort au téléphone. Ah oui, il s'engueule. Faut que tu le vendes, là. Il s'engueule, là. Il crie au téléphone, puis le monde regarde. Ils se disent pas... Genre, on va le remettre. Ils disent pas ce gars-là pisse. Ils se disent ce gars-là, il est fou, là. Parlant de réseaux sociaux, on a Facebook. J'ai mis le problème sur Facebook et Twitter. Facebook, on a Jonathan Bob Savoie qui écrit les peinturés au rouleau vert, aux couleurs, au rouleau couleur vert. Il y a beaucoup de solutions qui reviennent. Oui. Ouais. Mais Dominique Garand, lui faire boire du colorant alimentaire vert. Ah, pas fou. Je sais pas si ça marche. Quoi, c'est du vert, ouais. Mais, le pire, c'est que c'est un docteur. C'est MD. Ah, ben toujours, d'abord, peut-être. T'as raison. Jonathan Bob Savoie, jusqu'à maintenant, je pense que c'est ma préférée. Installer un cathéter au chien. Ah, mon Dieu. Oui. Pauvre chien. Allons sur Twitter maintenant. Il y en a plein d'autres sur, Facebook. Ah, j'ai pas. Il y a Jean-Philippe Plot qui. J'ai pas updaté encore. Qu'est-ce qu'il dit? Nous conseille de la peinture verte pour gazon, du gazon Regreen numéro 1. Louis-Félix Trudel qui nous dit en fait, faudrait lui faire boire du petit canard bleu. Qu'on mettait jadis dans les toilettes. Ah, donc, avec son urine, ça ferait un beau vert gazon. Oui, c'est vrai. Oui, on parle d'un mélange de couleurs. Et sinon, Jean-Philippe, il dit sinon, il y a le pet-loup. Suffit de se promener avec ça dans les mains quand Rex s'apprête à pisser. On le met là-dessus et il pense qu'il pisse sur du vrai gazon. C'est un genre de plateau de faux gazon. OK, ah, c'est drôle. Et il y a Karine Patoine qui dit le chien, réponse sérieuse, il faut le dresser à aller pisser toujours à la même place. Comme ça, ça ne laisse. Qu'un spot jaune. Ouais. Bon, bonjour à Karine. Karine, oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas. Karine qui nous a déjà fourni comment savoir que notre locataire fume pas, quelque chose du genre. Oui. Ah ben oui, ah, ben, de ça, ouais. D'où le laser était né. Le laser avait Sur Twitter, Stéphanie Perron, ça c'est une de nos fournisseuses. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Notre podophile. Prendre le reste du gazon jaune, peindre le reste du gazon jaune ainsi que les ronds ne paraîtront plus. Bon, c'est ça, on a beaucoup de ça. Beaucoup dans la peinture. Jess Chaplot, Mathieu... mais attends, je continue à lire, vas-y. J'ai une autre solution, moi, qui vient de venir. Je pense que le pourquoi ça jaunit, c'est vraiment pour la concentration de pisse au même endroit. Alors maintenant qu'on sait que les nutriments ont intérêt à être propagés de façon égale sur le gazon, peut-être essayer de... faire promener son chien pendant qu'il pisse au lieu qu'il s'arrête pour pisser à la même place. Question qu'il pisse un petit peu égal partout. Mais c'est dur faire ça. Et sinon, je suggère qu'on lui mette... Ces pipis-là vient des moments où on laisse lousse dans le cours parce que sinon, on l'entraînerait à aller pisser chez le voisin. Oui, je comprends. Mais sinon, il faut l'accompagner tout le temps. Oui. Mais peut-être sinon lui mettre, je sais pas, une petite peanut ou un petit M&M dans l'urette. Question qu'il pisse toujours en jet. En jet, oui, en multijet. En multijet. Une peanut dans l'urette va régler ça. Un petit poids à ligne, là, toi, tu viens de lire. Un petit poids à ligne dans l'urette, question que ça fasse un... Ou, tu sais, comment nous, les gars, dans quelles circonstances on pisse en jet comme ça? Là? Quand on a le prépuce collé le matin. Oui, une bonne érection. Oui, garder son chien érection. En érection. C'est dur de pisser en érection en un jet. Souvent, le jet va se diviser. Non, mais il faut que tu garder son chien en érection. Garder son chien en érection, mais qu'est-ce que tu ferais, Martin, pour faire ça? Des photos de chiennes tout nues? Des photos de chiennes tout nues. Des photos de chiennes tout nues. Non, des odeurs de chiennes tout nues. Des odeurs, plus t'as raison. C'est check ça qui chien. Check la chienne. Elle veut rien que ça, la chienne. Ah, la chienne. Ah, la chienne. T'as grugé l'os. Grugé le boner. On salue tous les gens qui nous ont écrit. Il y a GoAbsGo999 qui a écrit « Le laisser uriner dans le salon hein? ». On n'a pas pensé à ça. Juste, ben oui. Tu sais. Ben, ce jeu, ton je pense pas que ton bois franc va devenir jaune. Plus jaune. Mais non, mais tu y fais tu y pitches du papier journal. Eh oui, gauche à carpette au lieu. Pierre-Luc de Trois-Bières qui nous a écrit installer un réservoir de liquide bleu pour que son pipi jaune devienne bon, vert. Bon, on se répète, là. Non, c'est pas se répéter. L'autre, c'était lui faire boire du truc de tout. Oui, mais on s'entend qu'on se répète. Lui, c'est à la sortie. Ouais. À la sortie. Ouais. Parce que quand c'est ingéré, ça change de couleur. Non, mais ça. Quand c'est à la sortie... Moi, je trouve que Pierre-Luc a apporté quelque chose de bien. C'est ici. La solution réservoir dog. Oh! Yeah! Hein? Moi, j'ai envie de dire... Vous avez... non, OK. Ouais. J'avais envie de closer là-dessus. C'est trop bon. Mais on pourrait y aller avec notre solution préférée. Ouais. Là. On pourrait y aller avec ça. Vends ton chien puis achète-toi une tondeuse, tabarnak. Moi, j'ai avec la bonne foi du monon grognon. Ouais. Mettre un grain de quinoa dans l'urette. Come on. S'arranger pour que son chien pisse en spray de manière égale partout sur le gazon en le promenant et d'arroser sa pelouse tout de suite après. Question de bien répandre tous les petits nutriments, les petits... C'est ton chien, c'est ton frère d'une autre espèce, il faut... Ben non. Tu peux pas y mettre de quoi dans l'urette, Martin? Ben oui. Non, mais tu y mets le temps de sa pisse, là. Tu OK, c'est faut mon que grand, tu fasses ça à chaque fois. Viens-t'en sur le dos, insère ça du mieux que tu peux, avec des pinces à cils. Bien profondément. C'est une graine de quinoa, là. Une petite graine de couscous, regardons, là, il n'y a rien là. Hey. Juste assez pour diviser le jet, lui, il aura pas mal, là. C'est un tout-tout-nami. Peut-être si tu y fais boire ta pisse, il va avoir tous les ingrédients nécessaires pour avoir un gazon équilibré. Burst, là. Mais là, on commencera pas à jouer à qui boit la pisse de qui, là. On va pas finir. On va pas finir. On sait que la dernière fois qu'on a essayé, ça nous a pris toute la nuit. On a fini par boire la pisse de tout le monde. J'en joue plus jamais à ça avec vous, les gars. On y a tellement pris goût. Regarde. Moi, je joue juste à la maison avec ma famille. Ouais. Je trouve pas ça mieux. Je trouve pas, ça me convainc pas. Mais on a établi des règles claires. Moi, ma solution préférée, je crois que c'est y aller vraiment, tu sais, t'assumer. Ben, François William, c'était pas celui qui, derrière les capsules, changer le monde. Un rond de pisse à la fois. Ben, change le monde et. Fous-toi de ton gazon. Change le stéréotype. Fais d'autres choses de ton gazon. Donne-y une autre vocation. Je sais pas si c'est un grand terrain. Je comprends si c'est un grand terrain. Tu veux courir dessus, tout ça. Ben, mais si c'est juste une devanture de maison puis tu n'en as pas besoin de ça, change la vocation de ton gazon et laisse ton chien pisser. Moi, je le laisserai pisser, mais j'essaierai qu'il pisse sur quelque chose que tu as le goût qu'il pisse dessus. Gazon italien. Ça pourrait être le gazon italien, ça pourrait être un épouvantail à l'effigie de Stephen Harper, whatever. Choisis ton ennemi. Oui, c'est bon ça, c'est cool. Choisis ta cible. Entraîner son chien à toujours pisser sur quelque chose qui est symbolique. J'aime ça, j'aime ça. Who let the dog pee? Who let the dog pee? Who? J'avais de quoi. Non, mais j'ai oublié. Une cible d'urine. Ouais, non, c'était pas ça. Mais regarde. Qu'est-ce qu'on disait jusqu'à avant que tu parles, Simon? On proposait nos solutions préférées. Ouais, c'est moi qui disais quelque chose. Bon, quand je vais les réécouter... Changer la vocation de son gazon. Ouais, changer la vocation de son gazon. C'est la solution préférée. Ouais, c'était ça. Changer le monde. Oui. Changer le monde avec une chanson. Voilà. Si vous voulez voter pour nous, 5 étoiles ou rien sur Balado Québec ou sur iTunes. Certains. Ça va nous faire plaisir de recevoir vos votes. Complètement. Là, on a parlé de chiens, mais il y a aussi un spectacle de chats dans lequel tu joues, Fred. Oui. Catnip, les vendredis, samedis, au bar L'Apollon. Allez sur catniplemusical.com. Un musical déjanté. Oui, un ovni théâtral. Avez-vous utilisé de l'urine animale pour... Non, juste celui de Joe Bocan. Oh! Sinon, un gros merci encore cette semaine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la nourriture, mais cette semaine, le buffet est revenu. J'ai trouvé ça tellement délicieux. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré? Moi, ce sont les sashimi au honeycomb. Ah, c'est vrai que les sashimi au honeycomb étaient délicieux. Toi, Fred, qu'est-ce que tu as aimé? Moi, j'ai aimé les petites pailles de sucre. Tu sais, les petites pailles de sucre. Oui! Oh, on mangeait ça. Hein, ouais. Mais là, ça faisait longtemps. Ah, c'était bon. C'était cœur. Toi, Simon, qu'est-ce que tu as préféré? Là? Ah, clairement, les topinambours au bacon. Ah oui, c'était bon. Hein? Et toi, Martin? J'ai cru voir que tu boudais un des items au menu. Ben, les petits roulés suisses où ils ont changé la petite pâte, la petite crème anglaise par de la petite crème pâtissière pour de la mayonnaise. J'ai trouvé ça mollo. Ah oui? Ouais. Les deep fry roulés suisses dippés dans sauce à HP? Non plus. Non, je n'avais pas. Il faut dire que j'avais déjà mangé avant d'arriver. C'est ça. La plus longue description de buffet qu'on a eu jusqu'à maintenant, pas de problème. On y a tous mis l'épaule à la roue. Mais c'était bon. C'était tellement bon. Alors, la semaine prochaine, un problème de Mazda 3. Boum! On devrait charger pour le prochain, pas de problème. Ouais. Tu me vois dérouté. Oh! Et là. Je ferai plus jamais ça. Ouais. Je suis désolé, Mathieu. Je te laisse la... On se revoit dans le tournant, Simon. Simon, tout le monde déteint sur tout le monde. Mais c'est depuis l'incident de l'urine. On a tout bu l'urine. On a bu nos déchets. Puis j'en redemande. Vous avez un problème, vous avez un podcast.